Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Cousu Main, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La Pologne et le féminisme », une série de Joanna Grusinska réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a 100 000 femmes à Varsovie en 2016, sous des parapluies, avec un cintre à la main. Il y a aussi un régime autoritaire et nationaliste qui s'attaque aux droits des femmes et un pays catholique venu à bout du communisme, peut-être au détriment du féminisme. Alors il faut faire le compte des îlots de liberté où se construisent les beaux lendemains. Alors pour commencer, les personnages. Des militantes LGBT, des lycéens qui réfléchissent, des lesbiennes qui s'affirment, une réalisatrice et ses chats, et une metteuse en scène de retour. Ensuite, le décor. Un squat, un lycée comme une oasis, les rives de la Vistule, le sexisme, des cours de démocratie et un théâtre. Aujourd'hui, 4e épisode, fille ou garçon, peu importe. Ale jesteś umówieni z kimś? Nie. Jesteśmy umówieni ze sobą. Nie, jesteśmy, po prostu wpadamy, tak, żeby po prostu zobaczyć miejsce i... Ale on nagrywa. On chyba, tak, nagrywa. Niebinarną, czyli? Czyli oznaczono po urodzeniu jako kobieta, ale czuję się poza jakby tym systemem kobieta-mężczyzna. Je ne suis pas une personne binaire. Je suis née comme fille, mais ça ne me circonscrit en rien. No, używam rodzajnika jakby ona, tak z przyzwyczajenia póki co, więc tak mówię, żeby było jasne, tak, dla osób. J'utilise le genre féminin en ce qui me concerne de manière à ce que ce soit pas trop compliqué la communication avec les autres, mais pour moi c'est totalement formel. Je pensais que je n'ai pas dit que j'étais, mais est-ce que tu peux nous dire où on est? Jesteśmy teraz w samym centrum Warszawy, a konkretnie na skłocie Syrena. On est dans le centre-ville de Varsovie et très concrètement dans le squat Syrene. To jest budynek, który istniał przed II wojną światową. To jest budynek, który istniał przed II wojną światową. I jak wiele budynków przed II wojną światową, on subił wielu dommages. Po zniszczeniu w czasie wojny. No i to było tak, że... Ce bâtiment était censé être détruit et reconstruit à l'identique, comme la majorité de la ville faisait avec les bâtiments partiellement détruits pendant la guerre. Sauf que, après la guerre, des habitants se sont installés de manière sauvage, en fait, dans l'immeuble. Et donc, il n'a pas pu être détruit et reconstruit à l'identique comme avant la guerre. No, bo je préfère pas parler des détails parce qu'en en fait on est franchement poursuivi par la police, on a subi aussi les attaques des nazillons, donc je préfère pas dire combien on est. No, to znaczy jak się rozwijam tutaj, tak? No, bo ja pochodzę z takiego bardzo z patriarchalnej rodziny. Je viens d'une famille extrêmement patriarcale. Tak, do tego to jest jakby taka... pochodzę z bogacącej się klasy średniej. Je viens de la classe moyenne enrichie. No i właśnie tu na przykład spotkałam się może nie z takim jakimś, wiecie, przemocowym seksizmem, ale z takim właśnie seksizmem. C'est ici il y a pas de sexisme violent quoi ou agressif comme dans la société, mais quand même je suis face à un sexisme quotidien parce que nie, że po prostu na przykład par exemple, des camarades vont, plutôt que de m'expliquer comment on fait les choses, vont les faire à ma place ou des trucs comme ça. Et aussi, ils ne comprennent pas du tout que je puisse être révoltée par rapport au sexisme, parce qu'eux n'ont jamais été révoltés par rapport au sexisme. Enfin, ce n'est pas leur révolte. Les lieux du possible. ale przecież tutaj nie jest feministyczne miejsce. Widzimy, c'est pas un endroit très féministe ici. W sensie nasz squat? Tak. No jest. Si, si. Tak. No, jak najbardziej. Tak, myślę, że jest jak najbardziej feministycznym miejscem. Si, ce squat est un endroit très féministe. Na przykład jak tak samo jak są imprezy otwarte, no to po prostu też jest jakby zasady, że c'est un endroit qui est libre de violence, enfin qui est sans violence et sans oppression et qui est un endroit ouvert, donc c'est pour moi un endroit du coup féministe. Mogę na przykład bezpiecznie mówić o swoich doświadczeniach, że na przykład miałam aborcję albo że par exemple, je peux dire que je me suis fait avorter ici sans qu'on m'agresse. Z przemocą. Tam na zewnątrz to nie wygląda tak ciekawie. Jest à l'extérieur, c'est pas possible. Si je disais un truc comme ça, il y aurait forcément nagonka, to by się powiedziała. Il y aurait forcément des attaques. No tak. No choćby ze względu na tą aborcję właśnie, która powinna być jakąś brudną tajemnicą. À l'extérieur, l'avortement est un secret sale et ici on peut en parler librement et on n'est pas sali. Czy możesz tylko się przedstawić? Nazywam się Szczur. Je m'appelle Laura. Dans un pays divisé mais très conservateur, quels sont les lieux qui peuvent accueillir les différences? Un squat, un bar, un lycée? Utopique ou réel, le féminisme polonais infuse la société et trouve sur une scène de théâtre, sur un plateau de tournage ou dans une salle de classe ses porte-paroles. De l'autre côté de la Vistule, dans le quartier de Praga, nous rencontrons Karolina Skowron, représentante LGBT. Elle nous raconte la situation paradoxale de la communauté en Pologne. Tandis que les bars gays et lesbiens disparaissent, on élit, en province, un maire ouvertement gay. C'est effectivement une situation paradoxale, mais qui peut être expliquée par deux choses. D'abord, Biedron est un homme exceptionnel, exceptionnellement doué en tant que politicien et exceptionnellement chaleureux en tant qu'être humain. Donc il a remporté les suffrages de manière assez naturelle et évidente. Bon, c'est plus le cas de la personne. D'autre part, la société civile polonaise est beaucoup plus ouverte que ce qu'on croit. Et ces 10 dernières années n'a cessé de s'ouvrir, ce qui explique aussi la possibilité pour lui de faire une carrière politique. Moi, je constate ça parce que il y a 10 ans, ma compagne et moi-même n'osions pas trop nous tenir par la main dans la rue, ou en tout cas on se prenait des remarques, alors qu'aujourd'hui c'est absolument naturel et ça ne pose absolument aucun problème de revendiquer un couple homosexuel dans la rue, ne pose aucun problème. Niestety ostatni rok spowodował duży backlash. Elle constate néanmoins un grand recul cette dernière année. C'est-à-dire qu'elle a vraiment le sentiment que tous les acquis de ces 10 dernières années, vraiment un progressisme social très grand qui lui a permis à elle d'émerger en fait, s'est vu remettre en question par le gouvernement actuel au pouvoir et elle voit une grande régression et elle commence à avoir le même sentiment qu'il y a 10 ans. Elle a vraiment le sentiment d'un retour en arrière parce que les campagnes homophobiques reviennent, et que l'atmosphère générale est de nouveau une atmosphère de défiance, particulièrement envers toutes les minorités, homosexuelles, étrangères. Et il y a beaucoup de peur de la part de ces minorités aujourd'hui, particulièrement la communauté homosexuelle, mais aussi les autres minorités. Ja nie do końca uważam, że to jest utopijne. La question, c'est celle de l'hypocrisie et de la responsabilité des personnes homosexuelles dans ce pays. Ils et elles ont une responsabilité. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très connu médiatiquement, mais je me suis quand même présentée plusieurs fois à des élections locales et nationales. Je me suis toujours présentée comme lesbienne parce que je considère que j'ai une responsabilité par rapport aux minorités de mon pays, devant le peuple de mon pays. Et donc, je me revendique comme lesbienne lors de mes interventions publiques et de mes ambitions politiques publiques. Jeżeli chodzi o czasy komunistyczne, był to temat tabu raczej. Sous le communisme, aucun mouvement homosexuel n'existait et les homosexuels, hommes et femmes, étaient aussi présents qu'aujourd'hui, mais c'était complètement caché et complètement non dit. Le mouvement LGBT est lié intrinsèquement au mouvement féministe en Pologne depuis la chute du mur. Il se nourrit de ce mouvement et en fait, les deux mouvements se nourrissent l'un l'autre puisque la volonté de protection de la minorité que sont les femmes va de fait avec une protection de l'homosexualité. Les deux mouvements sont aussi très proches, tout simplement, dans leur identité. C'est-à-dire que dans les deux cas, le but est donc l'égalité des droits et la volonté d'intégrité et d'intégrité physique, enfin de désir de disposer de son propre corps comme on l'entend, que ce soit dans la maternité ou dans l'orientation sexuelle. Ce sont les mêmes droits qui sont revendiqués. Les lesbiennes soutiennent depuis le début le mouvement contre la loi anti-avortement en Pologne. Elles sont co-organisatrices des manifestations. Elles sont entièrement engagées dans ce mouvement et le soutiennent de manière officielle, ce qui d'ailleurs donne un argument de plus aux conservateurs qui font toujours des blagues comme quoi les féministes sont toutes des lesbiennes. Par exemple, un politicien a dit « c'est quand même pas très logique cette affaire, pourquoi les lesbiennes se battent pour le droit d'avorter? Est-ce qu'elles vont donc avorter de leur enfant fait in vitro ?» La revendication du mouvement LGBT est celle d'une forme d'acceptation légale des couples gays et lesbiens à travers le PACS. La revendication suivante serait le mariage et la revendication suivante encore serait donc la possibilité de fonder famille. La fécondation in vitro, qui était encore possible il y a peu, devient, avec les lois qui passent maintenant avec le gouvernement actuel, de plus en plus impossible et elle pense que ça sera interdit dans très peu de temps. Tout près de là, toujours à Praga, le lycée multiculturel autogéré a établi ses quartiers dans un ancien bâtiment de bains rituels juifs d'avant-guerre. Plusieurs lycées de ce type ont émergé après la chute du mur pour former les jeunes à la démocratie. Anna Blumstein fait partie de l'équipe pédagogique depuis quelques années. Avec elle, nous rencontrons des élèves et des anciens élèves aujourd'hui devenus militants. On est le seul lycée de Varsovie qui n'a pas de cours de religion. Le bâtiment appartient à la communauté juive et les fêtes religieuses sont complètement absentes. Donc en fait, à la place des cours qui sont normalement obligatoires de religion, on a des cours de philosophie qui sont obligatoires pour tout le monde. Et ce serait difficile de dire qu'on n'est pas positionné à gauche dans la manière d'appréhender l'histoire, les sciences sociales, même la littérature. Alors, on enseigne, en fait, les élèves, déjà, ils ont une troisième langue, obligatoire, mais au choix. Ils choisissent entre le yiddish, l'arabe et le latin. Et on a effectivement un cours, d'abord sur... ils ont un semestre sur les civilisations des pays arabes et de l'islam, et ensuite, ils ont un cours d'une année sur l'histoire des juifs d'Europe de l'Est, principalement, mais pas seulement. Et du coup, il y a des élèves qui ont monté des petits groupes de parole, des petites associations qui en fait s'occupe de la question féministe et ou des minorités sexuelles, et on va les rencontrer, voir un petit peu ce qu'ils voulaient faire. C'est un groupe qui s'occupe de l'éducation sexuelle. C'est un gros problème en Pologne, finalement. L'éducation s'appelle éducation à la vie familiale. Donc déjà, ça vous dit... ça vous montre bien comment c'est pensé. Et il y a 14 heures de ça prévues sur 3 ans de lycée. Pour éduquer à la famille, c'est un très peu... En littérature, je veux dire. Vous avez un retard. C'est le système, Carole. Bonjour, je m'appelle Caroline, on m'appelle Caro, je suis élève de terminale. Je me souviens quand j'étais petite, je lisais les journaux, les hebdomadaires pour enfants ou pour la jeunesse que m'achetait ma mère. Et il y a une partie avec le courrier des lecteurs où les adolescents peuvent poser des questions et recevoir les réponses d'experts. Et il y avait souvent cette question qui revenait, je suis une fille et je suis tombée amoureuse d'une fille, ou je suis un garçon et je suis tombée amoureux d'un garçon et je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Et la réponse était toujours la même, ne t'inquiète pas, ça va passer, ça ne restera pas. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait être amoureux de quelqu'un du même sexe, parce que dans notre société, on n'en parle pas, on ne te dit pas, parce que ce n'est pas considéré comme quelque chose de normal. No i na dodatek właśnie przez czytanie takich gazet wytwarza się młodym ludziom takie. Et ce que j'ai appris en lisant ces journaux, c'est que voilà, c'est une étape qui peut arriver, c'est quelque chose qui peut survenir, mais que c'est pas normal si ça reste et si ça persiste. A potem to przechodzi i to nie jest normalne, jeśli ci to zostaje na dłużej. I później mnie aż poszłam do gimnazjum, bo się już poszłam do gimnazjum z naszej zespołu szkół. Ale jeszcze wtedy notre, géré aussi par notre association, et là-bas il y avait un camarade de classe qui était homosexuel, qui est d'ailleurs avec nous au lycée maintenant. I dużo moich znajomych śmiało się z niego, że jest gejem. Et d'autres élèves se foutaient de sa gueule parce qu'il était homo. Et moi, en fait, formée par ces journaux, je pensais qu'en fait, ils plaisantaient dans le sens où ce n'était pas possible d'être réellement homosexuel. Je m'appelle Xavier, nazywam się Xavier i je suis élève de première et je suis une personne non hétérosexuelle et ce lycée c'est le premier lycée qu'il a accepté à 100% et c'est grâce à ce lycée que je me suis ouvert à ça. Chyba dzięki której rzeczywiście na to się otworzyłem. Przez co mogłem się spotkać z wieloma takimi miejscami. J'ai été dans plusieurs établissements et donc j'ai eu l'occasion d'observer dans divers endroits comment on traite les personnes non hétérosexuelles. Et ça va pas du tout. Enfin, c'est toujours traité comme quelque chose de sauvage, de bizarre, de mauvais. Il me semble que ce lycée, c'est vraiment un monde, une enclave, un monde complètement à part et qui fonctionne complètement différemment du reste. Il n'y a pas 6 mois, il y a un adolescent de 13 ans qui s'est suicidé. Les raisons qui l'ont poussé à ça, c'est qu'il était perçu par sa communauté scolaire comme homosexuel, traité de PD, et voilà, ça l'a mené à cet acte. I chyba bardzo tragiczną częścią tej historii był kompletny brak reakcji władz i szkoły. Et c'est une partie du tragisme de cette situation, c'est que ni les autorités pédagogiques du lycée, ni les autorités politiques en général n'ont réagi. Otwarcie tych drzwi do szkoły jest trochę jak Narnia i przejście do zupełnie innego świata. Ouvrir la porte de ce lycée, c'est un peu ouvrir les portes de Narnia ou de Alice au pays des merveilles. Jednak po wyjściu z tej Narnii wracamy do tej rzeczywistości, która nas jakoś obowiązuje. Mais après avoir été au pays d'Alice au pays des merveilles, on revient dans cette réalité, voilà, qui nous contrôle. on a un petit peu entendu les principes de l'école et de comment ça se passait ici. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas super facile d'être un garçon dans cette école. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je me sens bien dans ce lycée, je me sens égale, je me sens pas discriminée parce que je suis un garçon, même si probablement, si j'étais dans un autre lycée, en étant un garçon, j'aurais une meilleure position, si j'ai la même position que les filles. Mais je crois que ce lycée m'a aussi permis de voir certains problèmes du point de vue des femmes. Je n'étais jamais, par exemple, rendu compte du fait qu'au pluriel, dans la langue polonaise, on parle aux hommes et pas aux femmes. Nie macie takie tendencje do tego, żeby tak te role, tak? Pamiętasz tę scenę, jak byliśmy na wycieczce i ty, ktoś miał mój kobiecy kapelusz, ty miałeś taką, byłeś taką babuleńką, która miała zawiązaną taką chustkę. Kiedyś przyszedłeś w szmince na lekcji, pamiętasz? Mm-hmm. Ania lui dit, mais quand même, une fois t'es venue avec un petit foulard sur la tête en classe, une autre fois t'es venue avec un peu de rouge à lèvres, bon, comment t'expliques ça? Myślę, że... C'est un problème et une question difficile, mais peut-être que... C'est pour essayer de s'identifier à ce rôle, de se mettre dans cette position dans laquelle je ne peux pas être. Est-ce que tu te sentais différent ? Je pense que non, mais j'étais différent quand même. Sous les auspices du précédent gouvernement, donc de Plateforma Obywatelska, plein d'organisations antidiscriminatoires ont consacré une énergie et un effort énorme pour essayer d'habituer les écoles à cette thématique de l'antidiscrimination. Et ça n'a pas tellement marché. Il y a deux jours, il y a un jeune élève d'un lycée de l'est de la Pologne, d'une petite ville, qui nous a appelé pour nous dire qu'il était assez populaire parmi ses copains et qu'il avait une bonne position et qu'il voudrait vraiment nous aider à faire changer les stéréotypes sur les personnes LGBT. Et il nous a dit qu'il pouvait juste discuter de ces sujets-là avec ses camarades, utiliser les médias sociaux pour faire avancer ce sujet. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour lui que pour nous. Stanisław Kus, je suis członkiem tej samej organizacji co Nina, więc tych tematów. Jeśli chodzi o... Je m'appelle Staś, je suis en terminale aussi. Myślę, że określenie podanych pytań on peut parler de la primauté et de la présence des valeurs chrétiennes, c'est vraiment un euphémisme pour comprendre à quel point elles sont présentes et elles forment l'influx sur la société polonaise. Il faudrait vraiment les comparer aux valeurs et à la pression du projet du maréchal Pétain en France. Pétaina w okupowanej Francji. Obecnie prezentowane wartości przez rząd, przez les valeurs qui sont promues aujourd'hui par le gouvernement, par les professeurs et les enseignants dans les écoles publiques, par tout l'appareil du pouvoir, c'est vraiment des valeurs qui sont basées sur la haine et elles n'ont rien à voir avec ce que l'Église catholique proposait même il y a 30 ou 40 ou 50 ans. Je ne suis pas sûre que c'est le problème des valeurs chrétiennes qui soit ici central, parce qu'on a d'autres pays où les valeurs chrétiennes sont très importantes et il y a l'égalité, la possibilité du mariage homosexuel et même de l'adoption par les couples homosexuels d'enfants. En fait, la spécificité polonaise, c'est vraiment une spécificité catholique avec un catholicisme encore plus spécifique qui souvent s'éloigne de la ligne du Vatican. Et nous, on observe, à l'amour n'exclut pas, beaucoup de confusion dans la société polonaise, par exemple entre le mariage religieux et le mariage civil. On a du mal à expliquer aux gens que nous, on lutte pour le mariage civil parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a que le mariage religieux. Et en ce qui concerne la définition de la famille, elle est redéfinie. Et on a une nouvelle vision de la famille. Ce n'est pas forcément une famille qui est basée sur les liens du sang. C'est une famille qu'on peut choisir. Zapraszam wszystkich. Poproszę kamerę. Nie słyszę tego dialogu. Słyszę tylko to jest na sali. Zapraszam na pozycję, tańczymy. Minutka, wprowadzamy poprawki, korekty i za chwilkę będziemy zaczynać. Minutkę czekamy, tam jeszcze jedna próba i za chwilkę będziemy. Nazywam się Agata Kubis, jestem tutaj statystką. Je m'appelle Agata Kubis. Cieszę się na to, bo to w sumie po bardzo długim czasie figurante sur ce plateau. Pierwszy taki branżowy film LGBT, lesbijski. Je suis contente parce que c'est le premier film LGBT lesbien, stricto lesbien, ce qui est très important. Nie dosyć, że jest to trudny temat cały czas. To też en Pologne, malheureusement, c'est encore une thématique difficile. Les gens sont maltraités, on les traite de gays, de pédales. Les femmes homosexuelles n'ont pas d'existence dans la société. Donc je suis très contente de ce film, ravie d'être là. Dans la vie, je suis photographe lesbienne. Donc je me sens chez moi ici. Łączy się środowisko, na szczęście, lesbijek i feministek, bo jestem też feministką, więc tym bardziej mnie to cieszy, że... Les milieux féministes et lesbiens sont très liés, heureusement. Je suis aussi féministe. Donc c'est bien de pouvoir jouer les deux parties. Tak, tak. Gdzie się spotykacie na ogół? Mówimy o Polsce. W Warszawie. W Warszawie, tak. To w tej chwili w Warszawie nie ma żadnego lesbijskiego klubu. Où est-ce qu'on se rencontre? En Pologne, tu veux dire, ou à Varsovie? À Varsovie, pour le moment, il n'y a aucun club lesbien. Pour les mecs, il y a quelques trucs, mais ce n'est pas énorme. On se retrouve dans des lieux LGBT friendly ou des lieux féministes, des squats artistiques. On n'a pas d'endroit à nous pour le moment. Ale co tam to było, teraz możemy zaznaczyć jego drogę. Donc on est avec la jeune réalisatrice Olga Kaidas qui tourne son premier long métrage à Varsovie après avoir réalisé des courts métrages et aussi des séries et aussi mis en scène des pièces de théâtre. O czym jest twój film? Jakbyś mogła powiedzieć? O miłości. C'est un film sur l'amour. Spotkanie w takim najtrudniejszym momencie w życiu dwóch kobiet, które się w sobie zakochują. Jedna ma jakieś wielkie pragnienie, którym jest dziecko, znaczy tak myśli. I właśnie w tym momencie takiego największego dramatu życiowego spotyka drugą kobietę. Zresztą taką naszą największą inspiracją pour le film est le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. En fait, c'est un film sur le bovarisme, quoi. Est-ce que tu as l'impression que le monde du cinéma est difficile pour est plus difficile pour les femmes que pour les hommes en Pologne? Nie, bo mam wrażenie, że to, że nie robiłam tej pory. En fait, j'ai pas du tout ce point de vue féministe sur le monde. Je sais que probablement les choses que je n'ai pas faites ou que j'ai pas réussi à faire jusqu'à présent, moi je n'ai qu'à m'en vouloir à moi-même et il faut que je me batte moi intérieurement pour faire ce que j'ai à faire et ne pas me réfugier derrière des théories féministes ou des logiques qui seraient des logiques d'empêchement. Je suis pas du tout féministe, je pense qu'il faut en avoir rien à foutre en fait, on les emmerde tous quoi, femmes et hommes qui nous empêchent de faire ce qu'on a à faire. On les emmerde tous globalement. C'est probablement plus difficile pour une femme, mais il faut qu'elle cherche en elle-même la force. Il faut pas qu'elle attende du monde de lui faciliter la tâche, mais il faut qu'elle trouve en elle-même la force. J'ai toujours été outée. Tyle, że no mieszkamy w Warszawie. Enfin, surtout dans les milieux artistiques dans lesquels j'ai évolué, j'ai jamais l'impression d'avoir été dénigrée à cause de ma préférence sexuelle. J'ai longtemps voulu faire des projets qui ne se sont pas faits. J'ai eu plusieurs échecs et je ne comprenais pas tellement pourquoi. Mais en fait, l'année dernière, j'ai monté ma société et j'ai fait mes films. Et en fait, j'ai compris que en fait, tout était possible, qu'il fallait juste insister. Enfin, il fallait juste mettre le paquet. Le film risque de faire débat vu le gouvernement actuel et les attaques subies par ce gouvernement sur les femmes. Un film avec qui raconte l'histoire de deux lesbiennes risque quand même de se heurter à des campagnes de haine. Est-ce qu'elle envisage ça ou pas du tout? Elle dit le monde entier se droitise, se radicalise à droite, et donc c'est le moment d'y aller à fond et de surtout pas avoir peur. Ok. Nie, ja bym chciała tylko po prostu... Nie. Kobietą lesbijką w Polsce z trzema czarnymi kotami, no już naprawdę gorzej. Elle dit, bon, je suis une lesbienne polonaise qui a quatre chats, j'ai vraiment aucune raison d'avoir peur. Non, mais tout à fait, Agnès Gazam, de quatre chats noirs qui portent bonheur, et j'ai pas de quoi avoir peur. Oui, je suis pas une sorcière. Elle trouve ça important qu'une personne homosexuelle fasse un film sur des femmes homosexuelles. Des fois, ils se marrent sur le tournage parce qu'ils ont nommé des espèces de conseillers à la vie hétérosexuelle et conseillers à la vie homosexuelle, enfin, pour être le plus juste possible dans les histoires de jeu, etc. Mais ça, c'est devenu un peu une blague. Chacun est un peu à son rôle, à son poste. Mais c'est des histoires de place, en fait, plus pour le jeu. Nie, bo wszystkie filmy lesbijskie są fatalne i myślę, że życie Adeli też nie uważa się za film lesbijski, tylko elle veut faire du bon cinéma au-delà d'un cinéma lesbien ou pas lesbien. No, ale wszystko jedno, ale il se trouve que dans son chemin professionnel, ce film-là effectivement raconte une histoire d'amour lesbienne, mais elle a des dizaines de projets derrière qui n'ont rien à voir avec la question lesbienne. Elle espère bien pouvoir faire ce film-là et ne pas être réduite à ce cinéma lesbien. La vie d'Adèle n'est pas un film lesbien. Bon, moi, je vais quand même préciser que Abdelatif Kechiche n'était pas tout de suite une lesbienne non plus, mais Abdelatif Kechiche n'y avait grand-chose à lesbienne. Natomiast to oczywiście, mówię, pomaga. Życie Adeli nie jest filmem lesbijskim. Rzeczywiście nazywam swój zawód reżyser, a nie reżyserka. Ale to nie jest też jakaś kwestia tutaj waleczności, po prostu uważam, że tak się nazywa ten zawód. Et je considère que le travail de réalisation est réalisé par un réalisateur et non pas une réalisatrice. Et c'est pas une question de militantisme, c'est juste que c'est ça ce travail. C'est un travail de réalisateur. Et je suis un réalisateur et pas une réalisatrice. Tu peux tout à fait dire Regisserka, c'est réalisatrice. Regisser, c'est réalisateur. Elle dit d'elle-même qu'elle est Regisserem, c'est-à-dire je suis un réalisateur. Nie, kurwa, w ogóle nie o to chodzi. Przepraszam, przeklinam strasznie ostatnio. Nie, w ogóle nie o to chodzi. C'est pas du tout ça, putain, vous avez rien compris. Il n'y a pas de cinéma masculin et féminin. Moi, ma copine a fait un film sur des footballeurs, en fait, en Pologne. Et on n'a pas arrêté de lui demander comment est-ce qu'elle, en tant que femme, pouvait faire un film sur des footballeurs en Pologne. Pour moi, la question du genre sexuel au cinéma n'a aucun sens. Catherine Bigelow, réalisatrice. Jak to woli. Robi super wojenne filmy. Par exemple, Catherine Bigelow fait des films de guerre. Sprawdzę szybko. Jakby jest. Et on s'en fout complètement de savoir si c'est une femme ou un homme, c'est un film de guerre. Jest po prostu, to jest jej wizja. C'est le genre et son regard qui prime et non pas le fait qu'elle soit une femme ou pas. Super, przecież wojenny film. D'ailleurs, je dis d'elle qu'elle est un réalisateur et ça ne me viendrait pas à l'idée de dire la réalisatrice Catherine Bigelow, mais je dis le réalisateur. Catherine Bigelow. Est-ce que c'est des films qui ont à voir avec l'identité féminine, non. C'est les catégories déjà qui sont complètement à côté de la plaque. Il faut changer complètement les catégories parce que quand on dit ce n'est pas un cinéma féminin, on est déjà en train de dire que c'est un cinéma féminin. Czy w związku z tym Krzysztof też zrobił film kobiecy, czy on by tak powiedział, że jest kobiecym reżyserem? Quand Keshish fait La vie d'Adèle, est-ce qu'on dit de lui qu'il fait un cinéma féminin? Non, son cinéma raconte l'histoire de deux femmes, mais il fait un cinéma qui est juste du cinéma, qui serait genre une sorte de cinéma sans sexe, en fait. Les héros ont une sexualité, mais le cinéma n'en a pas. Nasza rodzina jest bajeczna. Chodzimy na spacery, jeździmy na bale, chodzimy do zoo oglądać czarnych. Do dzisiejszego dnia miałem tę słabość, żeby myśleć, że Żyd może być Francuzem. Albertyna, możesz swoim wyznaniem załagodzić to, co każe mi cię nienawidzieć. Ich niezrozumiana miłość wydaje się czymś zupełnie różnym od zorganizowanego zboczenia, bo... Nie przejechałby się pan ze mną? Uważają swoją skazę za bardziej wyjątkową niż jest. On est un nowy teatr? Nie. Nie. Le théâtre qui existe depuis 8 ou 9 ans, mais depuis un an, nous avons le lieu. C'est le vieux garage qui existe à Varsovie depuis 100 ans et qui était rénové, adapté pour le théâtre. Donc, on a créé l'endroit qui s'appelle Centre international de la culture. C'est un peu pathétique, mais bon. Donc, il y a le théâtre dans les noms, mais quand même, on présente la danse, l'art visuel, le cinéma, performance. On organise beaucoup des activités éducatives, le débat, la lecture. Donc, c'est l'endroit qui n'est pas disciplinaire. On dit que c'est interdisciplinaire ou même non disciplinaire. Kocham! I wciąż nie znalazłem miejsca w murze. Jakiej prawdy pan poszukuje? Istne campo santo. Czy może wolicie trzymać nas po tej stronie cmentarza? Zrobiłem wszystko, co mogłem, by się oszczędzić. Pozostałem chętny. La scène théâtrale polonaise compte plusieurs femmes metteuses en scène. Nous rencontrons Anna Smolar et Katarzyna Kalwat, représentantes de la nouvelle génération. Je m'appelle Anna Smolar, je suis metteuse en scène de théâtre. Je travaille en Pologne depuis 11 ans. Ma venue en Pologne, qui était liée à des questions de travail, de théâtre, a été une espèce de retour aux sources, a été une expérience finalement très intime, de retour à quelque chose qui me semblait très familier, parce que j'ai eu le sentiment de me reconnaître dans ce qu'était le théâtre polonais à l'époque et dans ce qu'il est aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis reconnue dans un engagement incroyable des artistes, dans un dialogue très intense finalement entre les artistes, le public, les journalistes, quelque chose qui fait vraiment partie du débat public. Et puis le théâtre polonais me semble incroyablement riche. Les artistes sont assez audacieux, et ce dès le plus jeune âge, parce que les scènes polonaises sont très ouvertes aux jeunes metteurs en scène et aux jeunes metteuses en scène. Il faut dire que c'est une particularité assez exceptionnelle du théâtre polonais, c'est qu'il est très féminin et de plus en plus. Ces dernières années, il y a toute une génération de metteuses en scène qui a émergé, qui commence vraiment à définir la qualité actuelle du théâtre polonais. Donc là, dans ce que tu racontes, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois le théâtre polonais a beaucoup de femmes metteuses en scène polonaises, donc on peut dire qu'il y a une sorte de pouvoir symbolique de mise en scène, de créativité, que la voix de la femme polonaise est entendue, est vue, est et apprécié et même peut-être soutenu en Pologne, et de l'autre côté cette espèce de culpabilité dont tu parles et cette réalité sociale où quand même une majorité de femmes en Pologne sont tenues en fait à rester à la maison, élever leurs enfants et accepter que le gouvernement ou que l'État ait un contrôle sur leur corps en fait et sur leurs désirs. Comment est-ce que tu expliques ce paradoxe, enfin cette contradiction? Alors, il y a une certaine théorie qui est peut-être intéressante, je ne sais pas si elle me convainc tout à fait, mais c'est celle que la Pologne est un pays qui voue un culte absolu à la Vierge Marie. Et c'est un pays où donc la femme a cette position très forte, cette influence incroyable à différents niveaux symboliques, justement. Donc, la Pologne est un pays matriarcal en un sens, mais où les femmes perdent leurs droits. On profite de la présence d'Ania pour rencontrer une autre metteuse en scène, cette fois-ci, on va dire, polono-polonaise, Katarzyna Kalwat, que Ania va pouvoir nous traduire grâce à son bilinguisme tout à fait opportun. Bonjour. Alors, Ania nous a parlé de son rapport à la mise en scène au théâtre en Pologne et à la place des femmes dans le théâtre polonais. Est-ce que toi, comme femme metteuse en scène, est-ce que tu ressens des tensions, des contradictions, des paradoxes sur ta place en tant que femme dans ce métier et dans ce pays ? J'ai le sentiment que ce qui se passe en ce moment dans les théâtres polonais est très castrateur. Je pense à ce qui se passe sur la scène politique et comment ça influence le fonctionnement des théâtres et entre autres le fait que dans des grands théâtres très importants, les directeurs sont démissionnés. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une grande énergie créatrice qui a été libérée et que les artistes se radicalisent dans leurs propos. Et en même temps, puisque ces théâtres n'ont pas reçu les dotations espérées, ça a créé une place pour justement des gens comme moi, des femmes qui sont venues travailler pour beaucoup moins d'argent et qui ont pu créer des choses qui maintenant portent leurs fruits. Est-ce que la thématique féminine existe dans ton travail d'une manière plus ou moins consciente, directe ? Jusqu'à présent, ce sujet n'était pas présent directement dans mon travail. En revanche, en ce moment, je travaille sur un projet qui présente trois figures fortes féminines, qui sont des sortes de références à trois personnalités très connues. Le premier personnage, c'est une performeuse qui s'inspire du personnage de Marina Abramović. Le deuxième personnage, c'est quelqu'un qui travaille sur le langage et donc l'inspiration, c'est Judith Butler. Et le troisième personnage est inspiré de Simone Weil. Ces personnages sont inspirés par ces trois femmes, mais ce n'est qu'un point de départ en fait pour créer des personnages qui sont tout à fait indépendants. Et cette histoire me permet de me pencher sur la question de l'autonomie entre la vie privée de ces femmes et leur volonté justement d'indépendance et d'épanouissement. Ce qui est important pour moi, c'est que les femmes, jusqu'à présent dans le théâtre polonais, étaient montrées du point de vue du corps dévalué. Le plus souvent, c'était des femmes opprimées par les hommes et qui barbotent dans des chaussures trop grandes. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont des femmes qui cherchent leur autonomie, leur souveraineté et leur pure indépendance. Et ce qui m'intéresse, c'est la tension entre leur vie privée et cette volonté, justement, de construire leur indépendance. Oui, c'est une question que je me pose en permanence et c'est une tension à laquelle je me confronte parce que je suis mère de deux enfants et je travaille au théâtre. Donc je suis tout le temps confrontée à cette question de choix, enfin de relier ces deux réalités qui sont en moi et je me pose la question comment construire ma maison, mon foyer, ma famille et en même temps être engagée professionnellement. Et est-ce que je dois en quelque sorte violer l'ange de la maison, du foyer familial à chaque fois que je sors de la maison? Et oui, d'une certaine façon, oui. Vivant. notre plombier préféré, descendu parmi nous, Monsieur Stanislas McDonald's Kowalski. Kowalski. Vous riez. Vous ne rirez plus. Voici venu le temps des postulats. Même si notre visage n'est toujours sans doute que le pâle reflet du visage de Dieu, l'humanité, il me semble, je l'espère, je le rêve, a fait des progrès qui nous ont fait avancer sur le chemin. Des progrès dont les fruits sont maintenant à notre portée. L'art, la poésie, le théâtre, la musique. Je crois que c'est le devoir du théâtre. Tu viens au théâtre avec un problème, tu cherches la solution et tu n'es pas obligé de passer toi-même toutes ces histoires, tu n'es pas obligé de tuer ta mère, tuer ton père. Tu peux voir quelqu'un qui le fait pour toi. C'est au théâtre en Pologne où la liberté, difficile à trouver dans la société, s'exprime avec le plus d'aisance et le plus de richesse. Plus particulièrement au Nowe Theatr, nouveau théâtre, matérialisation des ambitions du metteur en scène Krzysztof Warlikowski, dont la carrière internationale l'a amené à diriger entre autres Isabelle Huppert. Dans son théâtre, Warlikowski met en scène des figures de toutes les minorités, dans des adaptations mêlées de textes d'époques différentes, portées par une troupe habitée et une direction artistique magistrale. Nous rencontrons son dramaturge, Piotr Kruszczyński. Je travaille avec Krzysztof depuis 2009, donc notre premier spectacle qu'on a fait ensemble, c'était à Polonia. Mais pour Warlikowski, le sujet de minorité, c'est l'obsession de le début de son travail. Avant, il n'y avait pas de spectacle qui en traitait le sujet de l'homosexualité tellement ouvert. Donc, on découvre les minorités en Pologne. Il y a 5 ans, on a fait le spectacle qui s'appelle « Les contes africains d'après Shakespeare ». Et là, on a découvert une autre minorité qui est probablement la majorité en Pologne, ce sont des femmes. Des femmes qui n'ont pas le droit, qui sont maltraitées par l'autre majorité masculine. Alors, c'était le spectacle qui a mis au centre le problème des femmes. Parce que là, il y a 5 ans, la situation était différente. C'était pas facile, mais maintenant, la situation est encore plus grave. Il y a beaucoup plus de restrictions avec de l'avortement et toutes les libertés de femmes. Donc, on essaye de réagir. Quand même, c'est pas facile au théâtre, parce que le théâtre, ça prend du temps. Ogólne porażki wszystkiego. Nie umy, to ty tak czujesz. Ja czy ty? Żydowska solidarność. Warlikowski, il a un don de prophète, donc très souvent il commence à parler de sujets qui... Adviennent après. Oui, il y a des moments, je me souviens quand on a fait le spectacle qui s'appelle Cabaret Warszawski, le cabaret de Varsovie, qui a présenté Varsovie comme la ville qui ressemble à Berlin des années 30 et New York après l'attentat de 11 septembre. Et ça fait 3 ans. Et le critique en dit, mais vous exagérez, il n'y a pas de risque de nationalisme, de fascisme en Pologne. Et hop, on est 2017 et on est dans la merde, quoi. Jakiej prawdy pan poszukuje? Istne camposan. Czy może wolicie trzymać nas po tej stronie cmentarza? Zrobiłem wszystko, co mogłem. Je crois que c'est la tradition en Pologne que le théâtre est radical. Il y a plein de noms de l'histoire du théâtre polonais qui montrent comment cette tradition a travaillé pendant la période de communisme en Pologne. Après, le théâtre était contre la société de consommation. Maintenant, c'est le théâtre qui essaye de trouver sa place dans les protestes contre tous les radicalismes politiques qui s'augmentent en Pologne. Nie. On mi mówi, En Pologne, le théâtre, c'était toujours l'endroit public, consacré au débat public. Je crois que c'est valable toujours. Est-ce que tu as le sentiment que la question féminine et la question, je dirais, féministe sont des questions qui concernent aussi la revendication de la possibilité de vivre l'homosexualité en Pologne? Est-ce que c'est le même combat? Ah, je ne sais pas. Maintenant, c'est le combat pour la démocratie et la liberté. Donc, c'est le même combat, on peut dire. Mais finalement, il y a plusieurs combats, il y a plusieurs débats en Pologne. Bien sûr que tous les gens qui vivent hors norme, la question, c'est qu'est-ce que c'est la norme? Mais tous les gens qui vivent en norme, ils cherchent la langue commune. Je te le demande, calmement. Est-ce que t'as couché avec lui? Regarde-moi et réponds. Oh. Ah bah, c'est vrai. Et tu restes zen après tout ça? Et ça m'a plutôt excitée. J'avais oublié à quel point tu étais hystérique. Regarde-toi dans le miroir, essaie de voir la réalité en face. Qu'est-ce que dit l'homosexuel à la femme dans le théâtre de Jean Lecosti? Oh là là. C'est quoi selon toi la réalité? Selon moi, t'es épousé un psychopathe. J'hallucine. Et t'es dans la merde, et t'es aveuglé par la merde, selon tu te rends pas compte, encore plus que moi. Moi, je peux encore faire quelque chose, me reprendre en main, tout changer et recommencer une vie nouvelle. Je crois que le mot qui pourrait être échangé entre la femme et homosexuel, c'est solidarité. Solidarność. Sometimes I feel so insecure and love's so distant. C'était Les lieux du possible. Quatrième épisode de la série La liberté ou la liberté, contour du féminisme polonais. Avec Karolina Skowron, Anna Blumstein, Olga Hajdas et les figurantes du tournage de son film. Anna Smolar, Katarzyna Kalwat, Piotr Gruszczyński. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Prise de son, Georges Tho, Alain Joubert. Compromising? Right. For what reason? Yeah. To compromise? Yeah. Mixage, Guillaume Ledu. Compromising for what? Réalisation, Nathalie Battus. If a man comes into my life, I have to compromise. Une proposition de Johanna Krosinska. Stupid. Comes into your life and you have to compromise. For what? For what? For what? A relationship is a relationship that has to be earned. Polonaise, catholique, avortée, militante ou misogyne, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au bord de la Vistule, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes et nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous jouerons aux jeux vidéo. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.